inconscient on est père, de se voir galérer même en été. Honteux, on galère en étant le soir à ne pas être en état. Proto, perte de temps embêtante, tu le sais, faire des tours en bécane. Pourtant, état des freins inquiétants. Et merde, tu te convois en détail. Goodbye, génération, je t'écoute pas. Écoute, rail, à l'affût d'un coup de trace. En voiture, je te colle, je te coupe pas. Woodboy, je prends les femelles, je t'écoute grave. Je te boule sale, une casquette, un coup de vent. Écoute ça, dans la pochette, un peu de vin. Les choux sales, tu penses qu'on garde un peu de vent. Les choux savent, j'ai si ça mène un peu de vieux. Et tous les jours on galère, scooter à plusieurs comme en calèche. Ça graille, wesh les frères qui allongent. Sa mère, j'suis dans le secteur en calène. J, tous les jours on galère. Bah ouais, comme le coach surveille la ligne. Arrête, ton discours il paraît. Qu'aussi, pour crier je suis à l'air. J, et ça tombe bien, j'veux les vesquis. On s'accroche bien, sous les sous-sky. On regrette les banques du vestiaire. Mais t'en fais pas, pour mes sous-sailles. Et ça tombe bien, j'veux les wet sur une étoile, c'est du mouette ça. Et on compte plus, tous les vêtures abîmés par les poulets gros, on a fait ça. Ramène le magot, on met le paquet. Surveille ta go, car on ferme les loquets. J'termine le pago, j'suis dans un paquet. Quoi de neuf un salaud, un dans le fond c'est sa fête. Elle a jalousie, moi t'appeler, comme un refus de tempérer. Je montrais tout de tape les mains. Les côtés sont que deux, y'en a d'autres à repérer. Elle a jalousie, moi t'appeler, comme un refus de tempérer. Je montrais tout de tape les mains. Les côtés sont que deux, y'en a d'autres à repérer. T.I.M. ça bouge pas, tu connais le boost. Bouge la tête, c'est le bordel, on l'air le boost. La grimace c'est ta mère, c'est qu'il y aurait le juice. Pour cadoler sa mère, ça courait le douce. Période difficile pour resserrer les choses. Ne pas sourire, c'est mort quand faut toucher le flot. On n'a pas besoin de toi si tu veux le mot. T.I.M. ça bouge pas, tu connais le boost. Bouge la tête, c'est le bordel, on l'air le boost. La grimace c'est ta mère, c'est qu'il y aurait le juice. Pour cadoler sa mère, ça courait le douce. Période difficile pour resserrer les choses. Ne pas sourire, c'est mort quand faut toucher le flot. On n'a pas besoin de toi si tu veux le mot. Ouah, y'a rien qui change, la famille. Là, pour moi, la rime, c'est normal, gros. Tu peux détacher ta ceinture. Chanson mort, 77 004 T.M.A.T.R.O.P.J.O. Pour mon quartier, où le tien.